Nous entamons maintenant la deuxième partie de notre développement. Il existe toujours un risque que la technique se retourne contre ses créateurs. Premier point, la technique n'est peut-être qu'un moyen au service de fin, un instrument au service de la volonté humaine. Eh bien, lorsque nous faisons usage de ce moyen, nous ne sommes pas certains que le résultat final sera conforme à nos attentes. C'est un problème général de l'action humaine, mais qui se trouve amplifié avec l'usage de la technique. Il y a le plus souvent un décalage entre les intentions des acteurs et les conséquences de leurs décisions. C'est ce que Max Weber appelait le paradoxe des conséquences. Cela vient du fait qu'un agent n'a pas la capacité d'anticiper la totalité des effets de ses décisions, ni de maîtriser la totalité des circonstances de la réalisation de celles-ci. Ce problème est amplifié avec l'utilisation de la technique dans la mesure où elle accroît les capacités humaines, produisant des effets souvent inattendus. On a un exemple de ce décalage, notamment avec l'utilisation des antibiotiques. Celle-ci a permis une réduction drastique des maladies infectieuses. Cependant, elle a suscité en réaction un phénomène d'adaptation des bactéries qui ont renforcé considérablement leur résistance. Second point, non seulement l'utilisation de la technique peut avoir des conséquences néfastes imprévues, mais encore, elle peut imposer de nouvelles contraintes, éventuellement plus pesantes encore que celles qu'elles étaient supposées supprimer. Au lieu de libérer l'homme, la technique l'a servi davantage qu'il ne l'était. Karl Marx souligne en ce sens le caractère aliénant de la technique. L'aliénation, chez Marx, c'est la dépossession de soi-même au profit d'un autre. L'individu perd la maîtrise de sa propre action qui ne lui appartient plus. Le paradoxe est que ce sont les instruments produits par les êtres humains eux-mêmes qui les aliènent. Marx pense en particulier à deux inventions, deux techniques très utiles, qui sont d'une part l'argent et d'autre part les machines. L'argent, la monnaie, initialement est un instrument créé pour faciliter les échanges de biens. Les biens sont le produit du travail humain et l'argent les symbolise. Or, le développement de l'économie monétaire est tel que c'est l'argent lui-même qui devient la finalité de l'échange. On n'échange pas pour obtenir un bien, on produit des biens pour les échanger afin d'obtenir de l'argent. Le travail humain devient l'instrument de la production de l'argent lui-même, indépendamment de la satisfaction des besoins humains. Et donc, d'une certaine façon, les êtres humains, les travailleurs, se retrouvent asservis à la production d'argent qui devient comme une fin en soi et qui s'impose à tous. Ce qui concerne les machines, eh bien, les machines telles que la machine à tisser ou la machine à vapeur, celles qui ont permis la révolution industrielle. On peut penser que les machines ont été créées initialement pour faciliter le travail, pour aider les travailleurs à faire moins d'efforts. Or, ce que constate Marx, c'est que l'emploi de la machine conduit finalement à intensifier le travail, à exploiter de façon encore plus intensive les salariés. En effet, le travailleur humain est obligé de se mettre au rythme de la machine qui lui impose sa cadence, à la manière du personnage interprété par Charlie Chaplin dans Les Temps modernes, rendu fou par la chaîne de montage. L'individu est réduit à n'être qu'un rouage au sein d'un grand mécanisme. L'idée que veut souligner Marx, c'est qu'en fait, on pense inventer des machines pour améliorer notre travail, mais en réalité, la machine n'est pas au service de l'homme, elle est au service de l'accumulation de richesses, et le travailleur devient lui-même un instrument de cette machine qui était censée être son instrument à lui. il y a une inversion du rapport entre l'outil et l'utilisateur. On peut réactualiser cette critique de la machine, cette critique de la technique, pour analyser notre situation actuelle. Les technologies de l'information et de la communication se sont beaucoup développées au cours des dernières décennies. Elles ont contribué à changer en profondeur nos pratiques sociales et culturelles, en rendant possible des échanges multiples, intenses, immédiats, entre les êtres humains, à l'échelle de la planète entière, et un partage sans précédent d'informations, de connaissances, ce qui fait que nous vivons sans doute une grande révolution, une révolution culturelle, qui n'a peut-être pour égal peut-être que l'invention de l'imprimerie à la Renaissance. Mais d'un côté, ces technologies, dont il faut se rappeler qu'elles ont bien souvent pour origine la recherche militaire, hein, c'est en particulier le cas d'Internet, ces technologies, elles offrent des possibilités de contrôle et de surveillance au gouvernement à des niveaux inimaginables. C'est ce qui a notamment été révélé par le scandale de l'espionnage de masse par l'agence de renseignement américaine, la NSA, par Wikileaks, ou plus récemment, la mise en place du système de crédit social en Chine. Donc nous avons là affaire à une utilisation des technologies de l'information et de la communication qui servent non pas à libérer les hommes, mais en fait le véritable but c'est de les contrôler davantage jusque dans les moindres aspects de leur vie privée. Et d'un autre côté, c'est sans doute ce qui aurait peut-être intéressé Marx aujourd'hui, c'est que les nouvelles technologies de l'information et de la communication rendent possible de nouvelles formes d'exploitation des travailleurs. Comme on le constate, notamment au travers du phénomène de l'ubérisation, qui permet de rémunérer les personnes à la tâche, comme ça pouvait être le cas au début de la révolution industrielle, en l'absence de tout statut protecteur, hein, on permet de se passer de tous les droits associés au salariat, et donc ces nouvelles technologies sont utilisées comme un nouvel instrument d'exploitation, et non pas de libération de la personne, comme on pourrait s'y attendre.